Salut les marques et salut les smarts, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et vous écoutez plus précisément le supplément SmackDown. Et si vous ne rêvez pas, nous avons changé un peu puisque ce sont les vacances, il faut bien laisser partir certains d'entre nous. Donc l'ami Giscal et l'ami IRM nous font pleinement confiance. Vous l'avez bien compris, je suis Raphaël, je vais vous présenter cet épisode et je suis avec l'inénarrable, l'indétrônable, la figure principale, l'histoire des... Du catch parmi nous, c'est l'ami Ringside, bien sûr. Bonjour. Bonjour, salut les amis. Alors on tente le direct. Yes. J'espère que ça fonctionne, hein. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat s'il y a des soucis. Et puis voilà, on est très heureux de vous retrouver pour parler du show bleu après Mais bien sûr. cette longue semaine de catch avec ce week-end chargé. Voilà, Koala Écarlate, salut. Merci de me confirmer que tout fonctionne. C'est super. J'en suis très Ah, content. Allez hop! c'est On est parfait. Si on parti. est, si on est un, si on est un show bleu surveillé par un koala écarlate, alors tout va bien se passer, je pense. Exactement. Donc nous sommes missionnés là pour ce SmackDown qui avait lieu le 17 juillet dans un truc que j'avais même pas la connaissance du nom. J'ai noté Wilkes Barre, ça s'appelle. Bon, ça doit être une salle je ne sais où. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est le programme de 7h30. Donc, au programme cette semaine, j'ai noté pas mal de choses. Figure-toi que Jeff Hardy va mieux, Nakamura pleure, Becky Lynch se trouve bonne, Kane a été décapité et Randy Orton déteste les boucles d'oreilles. Ça fait quand même de quoi rêver. Une journée chargée, hein. Salut à Une Galuche qui journée vient chargée. d'arriver dans le chat. Bien le bonjour, les amis. Eh bien, nous commençons de suite par l'ouverture du show, qui sera comme de plus en plus souvent, même tout le temps à la WWE, un segment lié au main event. Donc c'est Jeff Hardy qui est venu tout peinturluré avec ses couleurs flashy et sa décoration de paupières, hein, puisque maintenant c'est son nouveau truc. Là, quand il a les yeux fermés, on dirait qu'il a les yeux ouverts. C'est assez impressionnant. Jeff Hardy, pour ceux qui n'ont pas suivi Extreme Rules, faut-il le rappeler, il a perdu piteusement en 6 secondes son titre des États-Unis contre Nakamura. Et après, il s'est fait tabasser bien méchant par un Randy Orton sur le retour. Mais a priori, Jeff Hardy, il a dû oublier cette fin de segment parce qu'il est venu juste pour parler de son titre US et de Nakamura. Il est un peu incomplet depuis qu'il a perdu son titre US. Il nous dit même qu'il est broken. Et évidemment, ça fait une belle référence pour tous les fans de catch qui l'ont suivi ces dernières années. Et il demande directement sa clause de rematch pour le soir même, et ça sera notre main event. Bon, on commence par ça. Entrée en matière, comment tu l'as perçu, tout ça, ringside? Est-ce que tu t'es dit, voilà un nouveau Jeff Hardy? Est-ce que tu t'es étonné? Oh, c'était assez original quand même d'avoir un show qui démarre comme ça par un Jeff Hardy face caméra, peinturluré. Bon, toujours des jolis maquillages hein, de Jeff Hardy. Bon, par contre, en promo, c'est toujours pas ça, hein, le pauvre Jeff. Mais bon, c'est pas ce qui l'handicape hein, à la WWE. Il a appris à faire sans. On reste dans l'histoire du Broken Universe. Voilà. Deux, trois coups dans les roubignoles et le voilà parti dans son délire façon Hardy et compagnie. Hein, voilà. Du coup, on va avoir ce match qu'on n'a pas eu à Extreme Rules et c'est tout aussi bien. Donc ça annonce plutôt du bon pour le show d'aujourd'hui. Puis c'est assez original d'avoir une ouverture comme ça face à l'écran. C'est ça, donc c'était un peu étonnant, hein, puisqu'il y a eu pas mal de bruit, de rumeurs, même d'infos qui disaient que ce match d'Extreme Rules, c'était surtout parce que Jeff Hardy et un peu Nakamura n'étaient pas en condition de catcher. Donc finalement, 2 jours après, on va avoir le rematch. Ouais, alors on va voir dans les semaines à venir, hein, mais si ce Broken, ça va être un vrai changement, ou c'est juste des peintures faciales un peu plus psychédéliques que d'habitude. Mystère pour le moment. Mystère, mystère, ouais. Mystère, mystère. Bon, écoute, j'ai pas trop noté dans l'ordre du show. Ce que je propose, on va faire par catégorie, hein, par tranche de division, si ça te dérange pas. On va essayer de. On vous le dit, les amis. Je sais pas si tu l'as précisé pour le Catch Pro. On est en pleine réflexion pour des petits changements d'organisation sur nos épisodes. Donc, je vais tenter comme ça. On va organiser par division et on va commencer par la division tag team. Puisque ça a été la plus rapidement menée de ce show. La division tag team, on a eu aucun match tag team déjà ce soir-là. Nous avons eu Eric Young qui a affronté Kofi Kingston, donc évidemment dans la feud entre Sanity et le New Day. Un match disputé, un match assez intéressant entre deux personnalités très différentes. Ça a été remarqué d'ailleurs par les commentateurs. On a affaire à deux vétérans qui catchent depuis 15 ans dans le milieu, mais qui n'ont pas du tout la même personnalité ni la même carrière. Kofi Kingston est accompagné de ses copains, Eric Young aussi, si on peut appeler ça des copains. Et tout ce beau monde perturbe pas mal la performance, ce qui va entraîner la victoire d'Eric Young. La victoire des méchants, malheureusement, pour ceux qui sont sensibles à ça. Grâce, comment décrire ça? C'est Killian Day, je crois, qui tape Xavier Woods et qui le projette sur Kofi Kingston, qui est à ce moment-là entre les cordes. Et ça suffit pour faire une distraction et pour entraîner donc eh bien, la victoire de Sanity. Donc pour le moment, après leur premier match à SmackDown perdu, ils se rattrapent plutôt pas mal. Là, les crados, ils enchaînent des victoires sur le New Day. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est une bonne feud? Est-ce que ça montre Sanity fort? Est-ce que le New Day est devenu trop vieux pour servir à quelque chose? C'est plus qu'une équipe qui va te jobber pour les nouveaux? Qu'est-ce que tu vois pour avenir à ces gens-là? Pour ce qui est de Sanity, hein, ils ont été enterrés un peu vite par beaucoup de chroniqueurs du fandom du catch, hein, parce qu'ils ont perdu leur premier match. Mais bon, c'est pas les premiers qui perdent leur match d'entrée quand ils arrivent dans le main roster. Hein, je vous rappelle que John Cena, c'était la même chose. Là maintenant, voilà, ils enchaînent les défaites sur le New Day, c'est pas rien quand même. Ils ont fait un Les très bon victoires match. plutôt. Les victoires, pardon, ouais, excuse-moi. Ils ont fait un très bon match de la table là, dans le kick-off d'Extreme Rules. Ce soir, c'était un bon match aussi entre Kofi Kingston et Eric Young. Une victoire à la clé donc. Alors, c'est un peu le minimum syndical au niveau de la feud, hein, parce que clairement, il n'y a pas vraiment d'intrigue construite. Et ils sont rentrés en rivalité comme ça un petit peu à la va-vite. Mais ça s'enchaîne au fur et à mesure des semaines. Il y a beaucoup de combinaisons possibles hein, entre ces deux équipes, vu qu'ils sont au final on a 6 personnes hein, quand même qui peuvent s'affronter. Oui, ça fait un paquet de matchs là. Ça fait On ouais, les voilà, ça attend, fait on les imagine bien. Hein. un paquet de matchs possibles. Comment dire? Eh ben du coup, moi ça me satisfait pleinement. Hein, on a des jolis matchs, on a un Sanity qui va monter en puissance. Voilà, moi j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir Killian Dane dans le ring. Voilà, pour moi, on est plutôt sur du tout bon. On sait pas. On aura du mal à faire mieux que ça, je pense, dans l'immédiat, vu les galères qui sont à booker des choses correctement. Mais c'est bien, ça permet d'impliquer 6 personnes dans une rivalité qui va aller de semaine en semaine. C'est un peu dommage qu'on ne voie pas les Usos dans l'histoire. Hein. Moi, je serais assez partant pour avoir carrément un triple threat pour SummerSlam. Ça serait quelque chose d'assez explosif. Voilà, pour l'instant, moi, je valide hein, tout ça. J'espère qu'on les verra, qu'ils conserveront leur place dans la carte aussi longtemps que possible. Voilà, alors on nous dit que le son est un peu bas. Hein. Ah, Effectivement, voilà, la technique, hein, c'est pas toujours simple. Mais voilà, dites-nous si ça devient vraiment inaudible. ouais, on va essayer de parler haut. Voilà, parlons un peu plus fort, on va faire chier les voisins, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, effectivement, je pense que tu as raison. Hein, c'est Sanity qui débute quand même dans le roster principal. Il leur faut du solide. Le New Day, avec la carrière qu'ils ont, bon, bah, ils sont pleinement légitimes pour jobber un peu et pour gagner aussi. Et bon, tu as mis le doigt sur le point sensible que j'allais évoquer. Hein. C'est un SmackDown post-pay-per-view, mais la scène tag team est aux abonnés absents. Hein. Toujours pas de Usos, ça fait plusieurs semaines qu'ils manquent. The Bar n'existe Ah plus. oui, The Enfin, Bar, ils ont disparu dans les The Bar limbes. a disparu, mais alors Ils sont sans motif, hein, sans qu'on nous partis explique. regarder la Coupe du Monde, d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais c'est fini. Et puis ça fait longtemps qu'il n'y a plus ni l'Irlande ni la Suisse, quoi. Ouais. L'Irlande, il n'y a pas eu. La Suisse, un C'est peu, vrai, mais. mais ils voulaient regarder la victoire de la France, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, peut-être qu'ils vont nous faire croire maintenant que Cesaro est français. Hein. Après tout, il parle bien quelques mots. Alors j'ai une question pour toi du Koala Écarlate dans le chat. Qu'est-ce que tu penses d'un tournoi pour avoir un nouveau challenger pour la ceinture tag team? Ah, ben ça c'est un. Le tournoi, c'est souvent ce qui est mis justement quand il n'y a pas vraiment de challenger légitime. Donc c'est vrai que ça pourrait être le cas actuellement, oui, jusqu'à SummerSlam. Je ne sais pas ce que tu en penses, pourquoi pas, ça fait beaucoup de. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de tag team, mais qu'on en voit très peu, donc. C'est ça. Alors après, moi, le souci que j'ai, c'est que la WWE et les tournois, hormis ce qu'on voit sur le network, généralement, c'est jamais exceptionnel. Ouais, c'est souvent très très très facilement pronosticable en tout cas avec des. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus novateur à faire au niveau des intrigues. Mais moi, j'ai du mal avec les Bludgeon Brothers. Je trouve que c'est pas une équipe qui nous apporte du bon, hein. C'est assez convenu ce qui est proposé avec eux. C'est vrai, moi aussi j'ai un peu du mal à trouver le côté bankable de tout ça. De toute façon, les Blue Jones Brothers, on ne les verra pas non plus ce soir. Ils Non, doivent bah non. fêter leur victoire. Je ne sais pas comment on fête une victoire quand on est un Blue Jones Brothers. On doit se donner des baffes, je pense. C'est ça. Des coups de marteau sur les doigts. Mais en tout cas, eh bien, toute cette division tag team un peu à la ramasse, tout ça est symbolisé par une magnifique séquence. Une séquence de Miz TV, puisque le Miz, ce soir, nous a invité, pardon, solennellement aux funérailles de la team Elno. Donc voilà une nouvelle équipe qui est décédée sous nos yeux. Donc le Miz est arrivé d'une manière très sérieuse, hein, tout de noir vêtu. Il est visiblement éploré, hein, il serre la main de personnes dans le public, il est accompagné de gens qui ont l'air d'être des professionnels, hein, des croque-morts. Et bien il a sur un coussin, pardon, je perds mon mot, il a une sorte de tête de Kane avec son masque, donc une drôle Ouais, pas du meilleur goût. de poupée à Ouais. coiffer assez glauque, ouais, un truc qui a dû faire des cauchemars à des petits enfants, je pense. Donc comme si Kane était décapité. Voilà. Et le Miz, eh bien, donc il vient au centre du ring. Comme d'habitude, il fait son cinéma, donc il fait un peu sa pub pour son émission de télé-réalité, mais il veut honorer la mémoire de la team Elno qui a essayé de revivre 5 ans après ses premières gloires et qui est morte finalement. Il demande une minute de silence, évidemment il n'arrive pas à la voir, donc du coup il demande des yes chants. Il rappelle que d'après lui, Daniel Bryan est en train de flinguer lui-même sa carrière, mais il va pas avoir tant de temps que ça pour cracher sur Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan arrive. Et vient gentiment le faire fuir de quelques coups bien sentis sous les vivats de la foule. Évidemment, tout le monde est content de voir Brian là. On va en rester là quand même. Le Miz va assez vite fuir. Pas d'interaction micro ensuite entre les deux. Est-ce qu'on part sur cette feud tant désirée déjà pour SummerSlam? Puisque beaucoup de parieurs étaient plutôt dans une optique long terme pour WrestleMania prochain. Est-ce que vraiment du coup. Cette team Elno est finie. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Ringside, si c'était qu'un épisode de 2 semaines là, de team Elno? Est-ce que ça serait décevant? Est-ce que c'est bien de passer déjà à autre chose? Qu'en dis-tu? Bah, ce qui a été décevant, c'est qu'au final, on n'a pas eu de match vraiment, vraiment. Bon, Ah bah j'aurais oui, pas le mot on a un qui va match. derrière vraiment, mais On a eu un match nul, on a eu un peu de voilà, on a un merde, oui. match de merde. On a eu Ken qui était blessé, donc ça a tué le truc dans l'œuf. Maintenant, j'attendais pas plus qu'un match à Extreme Rules pour la team Elno, hein. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin avec ça. C'était un petit coup de nostalgie. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc là, bah, on va visiblement vers cette rivalité avec le Miz. Est-ce que c'est pas un peu rapide? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu ça pour Mania l'année prochaine? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait que peut-être Daniel Bryan ne re-signera pas à la WWE en septembre. Moi, j'ai de gros doutes, hein, d'après ce que j'ai vu en interview. J'ai pas l'impression qu'il a envie de partir au Japon ou aller faire le tour des Indies. Hein, donc. Ouais, j'ai du mal à croire ça quand même, c'est un peu une star mondiale, Ouais, il y a quand même. déjà personne pourrait le payer. Il veut Voilà. rester auprès de son bébé là. En Oui, fait, puis il je pense va. qu'il y a ça aussi, sa femme est quand même bien engagée, enfin je connais pas les contrats, mais Total Bella et tout ça, c'est quand Ouais. même Et puis, important aussi, ouais. exactement. Et puis, bah, il va sûrement négocier un agenda allégé, hein, je pense. Salut à Giscal qui nous dit qu'on gère bien le truc. Son petit supplément SmackDown, chérie. On te fait Repose-toi des bien, bisous. Giscale. Voilà, on Repose-toi s'occupe de bien. ton bébé. Donc, donc bah voilà hein, la feud entre Daniel Bryan et l'ami The Miz, finalement c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Maintenant, le segment d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé que c'était sensationnel hein, cette histoire d'enterrement là, c'était pas du meilleur goût. C'est un peu triste le Miz sans tous ses accompagnateurs, sans tout son entourage. J'aimerais bien le voir le Ouais. retour de Maryse, j'aimerais bien bah, peut-être qu'ils envoient la B-Team plutôt que de parasiter la division tag team de Raw là, de piquer les ceintures pour rien, autant qu'ils aillent à SmackDown et qu'on récupère un petit peu ce clan qui est derrière le Miz qui faisait toute sa force. Parce que le Miz tout seul contre Bryan, il va pas être très crédible quand même si Wow. il est Ouais. talentueux pour les segments. Moi, je trouve que ça fait un peu partie de l'histoire du Miz, hein, d'arriver. C'est un beau parleur, on le sait tous. Donc, il arrive par moments à fédérer autour de lui. Donc, bah, attends, la liste est longue là, entre les Alex Riley, bah, Daniel Bryan fut un temps, enfin, Maryse, et puis là, il y a eu le Miz Tourage. Et puis, à chaque fois, il finit par perdre ses alliés, mais il en regagnera d'autres. Donc, plutôt que de leur remettre la B-Team, il faudrait trouver dans les semaines ou les mois à venir bah, d'autres mecs, alors soit des nouveaux, soit déjà qui sont des gars qui sont là et qui s'ennuient. Mais t'as raison, le Miz tout seul, ça peut pas durer très très longtemps s'il est face à Bryan, quoi. Ou alors on nous joue vraiment la carte d'un Bryan qui est encore un peu fatigué et un peu blessé. Mais à 100%, non, ça c'est pas au même niveau, quoi. En tout cas, c'est sympa de voir un Daniel Bryan bien énervé qui vient tout casser. Voilà, on a envie que ça continue. Puis voilà, puis on la veut cette rivalité entre le Miz et Daniel Bryan. Donc Ouais, voilà, après, ils sont partis pour. est-ce que la WWE sait écrire des feuds au long cours, hein? On peut très bien avoir une manche à SummerSlam, une truc avec des équipes à Survivor Series, mais bon, ça marche pas toujours, quoi. C'est ce genre de choses-là. Donc, bah, on a des gros doutes sur la qualité des scénarios qui vont nous sortir, mais j'ai confiance, ça devrait le faire. Oui. Voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas à Ouais, on peut s'inquiéter passer à outre la mesure. suite. Allons-y! Écoute, on va faire un petit détour par la division féminine. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de douceur après tous ces Ah, les bruts. femmes! Ce fut assez court hein, cette semaine-là aussi. Enfin, après, c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de regarder et d'analyser Raw, donc forcément, avec une heure en moins, ça fait plus court. Chez les filles, cette semaine, Becky Lynch a affronté Mandy Rose, accompagnée encore une fois celle-ci de Sonya Deville. Et bon, sans détailler plus, hein, Becky Lynch a fini par gagner grâce à son finisher, pardon, son disarmer. Elle a battu Mandy Rose. Elle était très contente. Elle a pris le micro de son propre chef. Ça arrive assez rarement pour dire à quel point ça faisait plaisir d'avoir gagné, à quel point elle se sentait forte, elle se sentait en forme, et elle se sent pousser des ailes, Becky Lynch, à tel point qu'elle vise la ceinture, pardon, féminine. Alors ça tombe bien parce que Paige est dans les coulisses et est en train de regarder tout ça à la télé. Alors Paige, la ceinture féminine, elle ne peut plus trop la vouloir, mais elle peut organiser tout ça. Et elle est juste à côté de Carmella, qui elle demande une Carmella Bration, ou Mella Bration, pardon, pour la semaine prochaine. Carmella a vu une grosse fête à son honneur, puisqu'elle a battu Charlotte twice et Asuka twice maintenant, donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Paige fait cogiter un peu ses petites neurones. Et elle se dit, eh ben écoute, on va faire un deal, un petit marché. T'auras Tamela Bryson la semaine prochaine si tu arrives à battre Becky Lynch. Mais si Becky Lynch arrive à te battre, eh ben à SummerSlam, c'est booké, tu l'affronteras pour le titre féminin. Donc, bah écoute, une affaire, tout ça est assez rondement mené et visiblement on part sur une nouvelle feud pour Carmella et Becky Lynch qui revient dans le haut de l'affiche. Pas d'Asuka ce soir, pas de Charlotte, ça fait un petit moment qu'elle est plus là. Là encore, il y a du monde qu'on voit plus trop. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le moment de remettre Becky Lynch au sommet? Elle qui, on le sait depuis l'année dernière, a réussi à peu près à se débarrasser de James Ellsworth. Donc elle a son number, comme on dit. Peut-être pas son 06, on lui sait pas. Mais au moins, elle a son number. IRM a le 06 de Becky Lynch, je crois. Ah Vous d'accord, pouvez ouais, mais pas de retrouver James Ellsworth. une interview de IRM de Becky Lynch sur notre chaîne. Exact. Elle n'a pas beaucoup d'humour, hein, la pauvre. Mais oui, est-ce que c'est le bon moment pour lancer Becky Lynch? Évidemment, évidemment, c'est pas trop tôt. Et ça fait plaisir de voir une séquence comme ça où Becky Lynch est face à la foule. Il me lâche une promo à l'ancienne de Babyface. Voilà, je suis balèze, je vais aller casser la gueule des méchantes. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne le catch. Moi, je suis très satisfait de cette séquence-là. Alors tout ça, c'est triste pour Asuka, hein, qui a été laminé par toute cette rivalité-là avec James Ellsworth, etc. C'est quand même dommage de renvoyer comme ça Asuka aux oubliettes. Ça, à mon avis, c'est une grosse erreur de la WWE. Mais bon, voilà, ils n'arrivent pas à pusher en quelque sorte plusieurs personnes en même temps. Donc maintenant, c'est l'heure de Becky Lynch. J'espère bien qu'elle va faire tomber Carmella. Carmella qui est toujours qui tient sa place au micro, hein. La séquence avec Paige, c'était tout à fait regardable. James Ellsworth a disparu, je sais pas s'il reviendra. On a Il une n'est pas là, en op tout cas, aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas là. Apparemment, il a pas de contrat. Il est à l'apparition. Donc bon, il va peut-être Il fait disparaître le, il fait, mystérieusement. il fait le tour avec le chapeau à chaque soir. Voilà, c'est ça. Et puis il vend ses t-shirts à la sortie du truc. Et des t-shirts d'autres catcheurs aussi. Donc voilà, on a l'opposition classique gentil contre méchante, ça peut que fonctionner. C'est un truc qu'ils oublient de faire assez souvent à la WWE, donc ça c'est quand ils se décident à le faire, c'est plutôt pas mal. J'espère que Becky Lynch va gagner. Il lui faut ça si elle veut concrétiser. Puis on voit qu'elle est populaire encore à fond. Il y a quand même une belle pop quand elle a lancé son petit discours. Voilà, donc on part sur de sur de sur ce tour de bon. Dis donc, je trouve pas mes mots aujourd'hui, hein. On part sur de bons rails. Sur de bons rails, voilà, le train, le petit train, chouchou. Salut à Richard qui vient Chouchou, d'arriver. Voilà. le train Becky Lynch. Le train Becky Lynch est donc lancé à voir s'il arrivera en gare à SummerSlam. C'est ça. Mais en effet, À ouais, l'heure. je suis plutôt d'accord avec toi. C'est à l'heure, c'est un bon moment. Le règne de Carmella, donc comme beaucoup, comme pas mal de personnages qui ont gagné leur titre grâce à un cash-in. En étant quand même censée être beaucoup plus faible que le niveau du main event, elle a un règne déjà plutôt assez long et plutôt pas mal, effectivement. Dans le sens où, comme tu l'as dit, elle a complètement surclassé Asuka. Pour moi, c'était un peu Asuka découvre la WWE, c'est-à-dire que le côté wrestling, ok, mais le côté filouterie, entertainment, tout ça, là elle lui a donné une petite leçon, Carmella. Ouais, je crois qu'il Je faut pense qu'elle. pardon. Ouais, je pense qu'elle reviendra à Asuka, mais c'est vrai que de toute façon, ils ont du mal à gérer les postes. Tous ces catcheurs qui passent 1 an, 2 ans avec des très longues streaks, là, comme à Rusev, après, forcément, au bout d'un moment, on peut pas faire gagner quelqu'un tout le temps indéfiniment, c'est au détriment des autres, donc ils galèrent un peu à gérer le truc. On la reverra, mais ouais, peut-être qu'on part pour quelques semaines où elle va feuder contre je ne sais pas qui, là, Lana ou Sonya Deville. Remarque, Sonya Deville, Asuka, ça ferait une belle feud aussi, mais. Bon, n'importe qui contre Asuka, hein. Moi j'aurais bien aimé la voir enquiller les matchs contre tout le roster au final. Mais ouais, il faut se mettre dans la tête, je pense que voilà, tu fais une belle carrière à NXT, tu montes dans le roster c'est pas la même chose que NXT, c'est du sérieux et forcément au début tu te casses un petit peu les dents. Sur l'opposition, puisque les mecs qui sont en place, ils sont quand même censés être plus costauds que les petits nouveaux qui arrivent. Voilà, ça c'est la logique un petit peu de la WWE. Donc effectivement, ça fait grincer des dents aux fans de NXT, aux fans de l'Indie, mais d'abord, il y a toujours un petit passage à faire enquiller les défaites avant de pouvoir partir sur une carrière victorieuse. Donc à moins qu'elle retourne au Japon, je pense qu'Asuka, ce sera pour l'année prochaine un peu son. Oui, Ça, ou elle ça. retrouvera, elle va peut-être briller encore au Survivor Series à nouveau, il y a de quoi. Mais bon, ouais, je pense que c'est le moment pour un règne de Becky Lynch, ça ferait plaisir à tout le monde. Et sans transition, si justement Ringside vient de faire une excellente transition à propos de ces stars de NXT qui viennent perdre dans le roster principal, eh bien il y en a un qui est là, qui vient d'arriver dans le Pas roster n'importe qui. principal, et pas n'importe qui, c'est notre idole des jeunes, c'est la nouvelle star. Comme on l'appelle, El Ídolo, Andrade Cien Almas, et ce soir, mon Dieu, on nous sort la grosse affiche. J'étais un peu interloqué. Je me demandais jusqu'où ils allaient la faire. Andrade Cien Almas affronte rien de moins que le champion de la WWE, AJ Styles, dans un match, et eh bien dans un match excellent. Il faut le dire, hein. Je ne sais pas trop combien de temps il a duré, plus de 10 minutes, peut-être un quart d'heure de beaux combats, de beaux enchaînements. Andrade Senalmas est complètement libre, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas d'intervention de Zelina Vega, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, 100% clean. Alors donc, j'ai pas noté de prise spéciale, mais il arrive largement à dérouler, il arrive même à dominer jusqu'à placer son finisher, alors je ne sais plus son nom là. Il C'est envoie ses deux le... genoux dans les Ah cordes. oui, le... Oui, d'accord. Le... Bon, ça, je Ouais. sais pas comment il s'appelle ce Et truc-là. puis ensuite il enchaîne sur. Oui, voilà. Il faudrait que je me re-renseigne. Bref, malheureusement, le finisher de Andrade Cien Almas, ça marche pour Sin Cara, ça ne marche pas sur AJ Styles. Tombé, brisé à 2,75, on va dire. Et au final, eh bien, étonnamment, AJ Styles va réussir à le contrer encore une fois. Dans un superbe calf crusher, ça il adore faire ça, hein, contrer des prises. Et Cien Almas va très très vite abandonner. Il va taper immédiatement. Peut-être que c'est intelligent. Hein. Il sent qu'il est surclassé, donc il préfère éviter la blessure. AJ Styles, le champion, du coup, gagne assez légitimement, mais proprement et sans bavure. Mais on sent bien dans les regards qui se croisent à la fin de ce match que tout le monde a envie d'encore. Alors, est-ce que toi tu as envie d'encore et est-ce qu'un Andrade Cien Almas est un futur challenger déjà pour SummerSlam? Ah, pour SummerSlam, c'est peut-être un peu tôt. En tout Peut-être, cas, ouais. évidemment qu'on a envie de revoir des matchs comme ça. Moi, j'étais aussi un petit peu perplexe quand ils ont annoncé le match comme ça tout de suite. Allez, Andrade contre AJ Styles. Faut savoir quand même que c'est pas n'importe qui, hein, Andrade Cien Almas, hein, au Mexique, c'était une très très grosse star. C'est lui le fondateur de Los Ingobernables. Donc c'est quand même un mec qui a le catch dans le sang et qui sait comment gérer son personnage, etc. Alors ils ont un traitement assez spécial à la WWE pour lui, puisqu'ils l'ont mis en paire avec Zelina Vega, qui est une excellente manager. Donc son personnage, au final, il fonctionne, hein, ça a eu pas mal de mal à démarrer quand il était à NXT. Quand il était face, c'était un peu laborieux, Voilà, mais il quand faisait il est déjà face, des très c'était. bons matchs, hein. Ouais, Moi, je me c'était. Ouais, souviens. ouais, ouais. Il a un in-ring qui est assez exceptionnel. Hein. Il a quand même sorti des matchs 5 étoiles. Contre AJ Styles, ça peut que donner du bon. Et puis, on le voit ce soir, hein, sur un petit match de weekly. Au final, on termine sur du très, très bon catch. Effectivement, comme le souligne le Koala Écarlate, on fait dans la simplicité. Hein, mais bah, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Oui, non. Carrément, on a un gentil, un méchant. Hein, parce que maintenant, AJ Styles, il est quand même face, et puis Andrade, hein, c'est un peu symbolise un petit peu le heel de service. Donc voilà, bah, une défaite clean, mais bon, évidemment, il a poussé le champion dans ses retranchements jusqu'à ses limites. Donc il s'impose tout de suite comme un cadre du circuit. Il va pas mettre longtemps, à mon avis, à s'imposer comme un régulier du roster. Assez rapidement prendre une ceinture, je pense. Bon, pour l'instant, c'est bloqué par Nakamura au niveau du titre US, mais je le vois quand même assez rapidement récupérer un titre. Voilà, on nous a fait attendre, hein. Il est resté un petit peu un mois dans les limbes, l'ami Sienne, mais tout doucement, je pense qu'il va prendre sa place dans le roster. C'est délicat parce qu'il y a pas mal de top heel à SmackDown. Hein, entre Samoa Joe, il y a Randy Orton qui vient de débarquer, Nakamura, ça fait déjà du monde, hein, du côté des méchants, mais je pense qu'ils vont quand même le mettre en avant assez rapidement, et ça nous promet de sacrées oppositions, hein, parce qu'il y a Daniel Bryan qui est dans le coin, il y a Rousseff, il y a, bah, Samoa Joe par exemple, si jamais ils ont envie, voilà, contre AJ Styles, donc. Ouais. Voilà, faites-nous rêver la WWE, et puis voilà, quand on regarde un match comme ça, ben, on n'a pas l'impression de perdre son temps, donc c'est vraiment du bon boulot. Ben voilà, on dit qu'il n'y a jamais de catch, hein, dans les weekly, la WWE, c'est toujours un peu que des paillettes. Voilà, un exemple clair qu'on peut regarder les weekly et avoir du très bon catch, et quand on regarde vraiment les weekly et pas juste les highlights, on a souvent du très bon catch, hein, à Raw, même si c'était pas faramineux l'épisode de cette semaine, le catch était encore une fois bien présent. Voilà, faut pas. C'est dommage qu'il n'y a pas du bon catch dans les pay-per-view, quoi. Mais Oui, c'est limite, ça c'est un va se peu rattraper. l'inverse à ma. Ouais. On a eu des meilleurs Mais matchs cette semaine en weekly qu'au pay-per-view. Hein. Ça, c'est par contre. c'est vrai. En tout cas, là, je te rejoins sur tous les points. Moi, Cian Almas, là, depuis un petit moment à NXT, je l'aimais bien. Depuis son énorme match 5 étoiles contre Gargano, là, c'est pour moi, il a pris une autre. Un autre standing, hein, et là, je pense qu'ils peuvent pas se rater avec lui, quoi. C'est le genre de mec, le genre de profil. Alors, on dit souvent ça, des mecs qui montent, qui peuvent pas se rater avec, et ils arrivent à se rater quand même. Mais avec Cian Almas, non, je ne pense pas. Là, effectivement, je pense d'ici un an, alors disons d'ici la fin de l'année civile, peut-être, mais même d'ici un an, il sera un gros champion à SmackDown ou à Raw, peut-être s'il est drafté. Mais tu faisais bien de les citer, hein, parce qu'il y a pas mal de concurrents là pour SummerSlam. On ne sait pas encore. Alors d'ailleurs, on sait. On va savoir, puisqu'on nous a passé un petit clip disant que Paige prendrait une décision, ferait une annonce pour le titre WWE à SummerSlam la semaine prochaine. On attend ça avec impatience. El Idolo, Cian Almas, est un peu vert encore. Il peut être dans les favoris. Parmi les autres favoris, bien, le dernier en date, hein, Rusev, il a perdu quand même à Extreme Rules. Dans un match qui était plutôt bon, même s'il était pas du tout extrême, hein. Fuck la stipulation, c'est que le titre WWE après tout. On ne le verra pas ce soir, on verra juste Aiden English qui s'en veut d'avoir pas été assez à la hauteur. Il demande des excuses à Lana, mais Lana reste froide comme la Russie en hiver. Elle lui dit, bah, c'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est à Rusev, et puis déjà, c'est à toi-même que tu dois voir. C'est envers toi-même que tu dois te poser des questions si tu es un bon, si tu es une aide, tout simplement pour Rousseff. Alors, bah, qu'est-ce que t'en dis, Ringside? Est-ce qu'il faudrait briser l'alliance Aiden English Rousseff? Ça serait dommage quand même. Ouais, ce serait dommage, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Cette séquence-là, pour moi, elle avait aucun intérêt. Alors là, c'est le problème, la WWE qui veut plus utiliser l'opposition heel face, sauf par erreur. Puisque là, c'était censé être un heel, Rusev. Donc on est censé avoir une espèce de clan de heel, hein, avec Lana et Aiden English, mais ça n'a jamais été franc du collier, ce côté méchant de Rusev, à part sur les 2 dernières semaines avant Extreme Rules. Du coup, on a Aiden English qui lui coûte le match. Et là, Aiden English, il vient s'excuser comme le plus gentil des gentils possible. On n'a pas de nouvelles de Rusev parce qu'il est absent. Lana, elle a un comportement qui ne trahit pas beaucoup d'émotions. Voilà, elle veut pas parler à la place de Rusev. C'est quand même bizarre de. Je trouve que ça a pas d'intérêt parce que ça fait pas monter la rivalité, ou alors on va avoir un Aiden English à moitié gentil contre un Rusev qui a des raisons d'être fâché. On va pas savoir qui soutenir. Ça va encore être une espèce de rivalité un peu tiédasse, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le genre de truc qui plombe un peu les shows, parce que on n'est pas sur les bases du catch où c'est l'opposition heel face. Il faut revenir à des choses comme ça, mais là. La WWE, elle se refuse à faire ça. Eux, ils sont dans le gris, comme ils disent. Ils aiment bien dire qu'ils sont dans le gris. Donc, tant qu'ils feront des trucs un peu comme ça sera, pour moi, ça va être délicat, et je pense que ça marchera moyennement, quoi. Alors, on s'avance pas effectivement, hein. Rien nous dit que c'est un début de feud entre les deux, hein. C'est peut-être juste un segment pour se rappeler qu'il y avait Rousseff là ce dimanche. Ouais, s'ils foutent déjà Aiden English contre Rousseff, c'est vraiment qu'ils veulent griller la carte Rousseff Day, et ça serait très con de leur part, hein. Ils scient la branche du merchandising sur laquelle ils s'assoient. Non, moi je pense que tu les as cités tout à l'heure, hein. Il y a beaucoup de top heels. Bah, il est temps de faire passer ces trois-là en babyface, hein. En tout cas, Aiden English, il peut faire popper les foules avec ses entrées. Rusev aussi. Effectivement, on a envie de voir Rusev contre Samoa Joe, Rusev contre Nakamura pour le titre US, tout ce genre de choses. Rusev Orton, bon, peut-être moins. Pas beaucoup Oh, de moi, ça me pas beaucoup de déplairait pas. ouais, il y a pas beaucoup de configurations où j'ai envie de voir Orton en fait, mais c'est peut-être moi. Ouais. Mais bon. On verra. Et parmi les autres challengers possibles pour AJ Styles, nous avons eu Samoa Joe de retour après une petite absence. Un retour très court, hein, puisqu'il est venu. Il a tabassé et détruit Ty Dillinger en 2 minutes et il est reparti. Ty Dillinger, qui avait pourtant été plus ou moins conseillé en coulisses de ne pas trop combattre, part un revenant, un fantôme, pas Kane, c'est R-Truth qui est réapparu. On avait oublié qu'il était à SmackDown ou à Raw. J'ai vu certains commentaires qui avaient très peur de foutre, qui avaient très peur qu'on foute Ty Dillinger et R-Truth en tag team. Ça serait un peu décevant pour le Perfect Ten, mais après tout, est-ce que ça serait pas déjà mieux que rien? Oui, bah Bon, forcément, il voilà. y a rien à Qu'est-ce attendre que du tu as pensé Perfect de Ten. tout ça? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ringside? Est-ce que Samoa Joe, bon, c'était juste histoire de se rappeler qu'il était là et qu'il faisait peur? Ouais, mais j'ai trouvé que le match était bien stiff. Ah oui, Il y ben. a une belle offense de Dillinger au départ, qui en met plein la gueule à Samoa Joe, puis Samoa Joe, bon, on le calme assez rapidement, hein, évidemment. On l'expose sur le poteau tranquillement, puis coquine à clutch, et puis c'est fini. C'est bien parce que ça, voilà, ça montre qu'il a un peu de rage au ventre, Dillinger, et puis Samoa Joe, ça continue à la poser comme le badass qu'il est. Alors, Samoa Joe, son personnage, il fonctionne à merveille, mais il n'a pas encore de match référence à la WWE. J'ai très envie de le voir contre AJ Styles. Et ça donnait des matchs qui étaient exceptionnels à l'époque de la TNA. Alors, c'était il y a 10 ans, hein, mais il n'y a pas de raison qu'il puisse Ouais. pas réitérer l'exploit. Donc voilà, moi j'espère que SummerSlam, on aura AJ Styles Joe. Moi je suis un gros marque de Samoa Joe, donc quoi qu'il fasse, je suis content. Dillinger, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Moi je vois pas vraiment d'avenir. Voilà, si tant qu'il a un contrat à la WWE, je pense qu'il peut s'estimer content. Voilà, comme Giscard dit, je n'ai pas de cœur, mais c'est comme ça. Tu es sévère, tu es sévère. Mais oui, hein, et puis on peut même aller plus loin. Hein, qui sera le challenger d'AJ Styles? Bon, ça peut être Samoa Joe, il est bien parti. Là, je pense que c'était typiquement un segment pour nous rappeler à quel point il est violent une semaine avant de l'envoyer au charbon. Et puis surtout, est-ce qu'il n'est pas temps d'en finir avec aussi ce règne très imposant, très long et peut-être un peu ennuyeux à force de AJ Styles qui est quand même champion depuis avant Survivor Series. Donc, est-ce que ça serait pas le bon moment à SummerSlam ou pourquoi pas un mois plus tard en cage? J'imagine que c'est encore Hell in a Cell qui doit suivre. Ce Ah ouais. sera un bon timing dans l'année pour une bonne grosse feud contre Ouais, Samoa il Joe, faut le c'est mettre sûr. les deux, les uns contre l'un contre l'autre, ça va être un truc super. Effectivement, bah, il faut souligner que AJ Styles, effectivement, il est là depuis avant Survivor Series en tant que champion. Méga push de AJ Styles, hein. On dit toujours que c'est les gros balèzes qui sont au sommet de la WWE, blablabla. Bah non, le champion WWE depuis début, c'est AJ, hein. D'accord, il y a Lesnar de l'autre côté, mais Lesnar, c'est hors catégorie. Voilà, il est bien loti, ce bon vieux AJ. Et c'est vrai que ça commence à faire un Effectivement, peu long et qu'on aimerait en voir d'autres monter, ça c'est sûr. ouais, effectivement, c'est peut-être le bon moment. Alors, cela dit, bah, AJ Styles, champion de la WWE, sommet de la WWE, comme tu dis, mais comme assez souvent ces derniers temps, encore une fois, bah, c'est pas le titre mondial qui fait le main event. Et le main event, si je ne m'abuse, on va y aller, puisqu'on a, on a à peu près tout balayé là. Et le main event, on l'a dit tout à l'heure, il fait écho au segment d'ouverture. C'est un rematch pour le titre US, donc c'est Jeff Hardy qui vient tout juste de perdre son règne et il en est fort déçu, qui va essayer de le récupérer face à Nakamura. Nakamura qui en coulisses bon, a eu une courte interaction avec Renee Young. Il a fait semblant de pleurer en écoutant le speech d'ouverture de Jeff Hardy. Et évidemment, c'était pour se foutre de sa gueule. Il a demandé à Renee Young de sourire. Hein, vas-y, souris, t'es mignonne, comme le font parfois les hommes dans la rue. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Alors passons au match. Eh bien, étonnamment, Jeff Hardy a réussi à se remettre d'aplomb. Il évite très rapidement un low blow tenté par ce bon vieux Shinsuke. Hein, ça devient sa marque de fabrique d'essayer de donner un coup de poing dans les couilles. Donc là, du coup, c'était une fois que la cloche avait sonné, donc il aurait dû être disqualifié. C'était probablement ce qu'il cherchait. Bon, après, Nakamura n'est pas forcément un homme à insister. Hein. Il a tenté une fois un coup de pied dans les couilles. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, il n'a plus jamais retenté. Il a essayé de gagner clean. Et figurez-vous que ça a été très difficile pour lui. Il a même été largement dominé une bonne partie du match par Jeff Hardy. En tout cas, au début, c'est même Jeff qui prend le dessus et qui va même se moquer de lui en lui tenant le fameux coup de pied là dans les cordes. Petit à petit, bon, Shinsuke a repris un peu le dessus en donnant un catch beaucoup plus terrestre, beaucoup moins aérien, hein, beaucoup plus heel, et il le tenait par la tête, il faisait des soumissions, il le maintenait au sol. Mais ce diable de Jeff Hardy, comme dirait Christian Jean-Pierre, réussit à s'échapper à chaque fois, et il réussit même à passer au final un twist of fate et à partir pour son finisher. Mais non, pardon, j'inverse. Si, c'est ça, non. Ouais, Ah, Twist j'ai of plus Fate, le et nom puis après il des. part sur Oui, Twist of Fate, c'est ça. Et sur après, un il part sur Swanton. Swanton Bomb. Voilà, je cherchais le nom. Malheureusement, il ne pourra jamais récupérer sa ceinture. En tout cas, pas ce soir. Il ne pourra pas porter son compte de 3 puisque quelqu'un revient du Diable Vauvert. Quelqu'un qui, bizarrement, était déjà là dimanche et était déjà intervenu. Mais personne n'avait l'impression de s'en souvenir. Personne ne l'a mentionné au cours de cet épisode. Vous voyez de qui je veux parler, bien sûr. Il était terré dans l'ombre. C'est Randy Orton, c'est la vipère. Randy Orton qui avait attaqué Jeff Hardy ce dimanche sous les yeux de Nakamura. On pouvait à l'époque encore penser à une petite démonstration de force pour faire peur aux Japonais, mais alors là, non, hein, c'est clair, c'est après Jeff Hardy qu'il en a. Puisque va s'en suivre un très long, hein, pas très long, mais très violent passage à tabac. Randy Orton est furieux, il détruit Jeff Hardy sur les escaliers. Il va aller de manière très gênante essayer de lui arracher les oreilles en tirant sur ses écarteurs. Ah, ça faisait mal aux Aïe oreilles aïe de aïe aïe ouais, tous les gens qui ont des oreilles et peut-être encore plus les gens qui ont des écarteurs ont dû souffrir le martyre en voyant ça. Et Randy Orton, il gueule à Jeff Hardy. Ah, tu te demandes pourquoi je fais ça? Tu te demandes pourquoi je fais ça? Bah, tu le sauras pas en gros, mais bon, a priori, il y a une raison. Dès que Et on finira les là-dessus. scénaristes auront trouvé, il lui dira. Voilà, et donc on finit sur ça, et Randy Orton, je crois qu'il a dit Where is Shinsuke? À un moment, il cherchait Nakamura du C'est regard, marrant ça aussi. mais a priori, non, c'est pas spécialement le titre US qui l'intéresse. En tout cas, il est plutôt parti pour défoncer Jeff Hardy. Est-ce qu'il se rappelle vaguement qu'il y a 10 ans, ils avaient une très grosse feud à base de on se saute dessus depuis 5 mètres de haut? Parce que ça aussi, c'était violent. Ouais, ouais, On ne ouais. sait pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce Randy Orton qui revient méchant là, avec l'été? Ah, magnifique, magnifique ce retour de Randy Orton. Alors, j'ai pas trop de passion dévorante pour Randy Orton, mais je trouve que ça depuis qu'il est passé un petit peu en retrait, qu'il vient que de temps en temps, il est toujours extrêmement efficace. Et cette fin de show était extrêmement violente, hein, ce tirage de lobe d'oreille là, c'était assez dégueulasse. Ah, barbare, oui. Entre ça et le match de Samoa Joe, je trouve qu'on a eu, et puis même tout le passage avec Sanity, on a eu un SmackDown qui était un peu plus violent qu'à l'accoutumée. Moi, voilà, j'adhère complètement là, à cette rivalité. Alors, du coup, on a eu un beau match entre Jeff Hardy et Oui, Nakamura. Donc, revenons ça, sur ça déjà. par contre, ce qui est dommage, c'est pourquoi ils nous ont pas fait ce match-là. Ce week-end, et puis on aurait fait le segment du coup de poing dans les valseuses aujourd'hui, puis c'était réglé. Mais bon, ce qui est fait, c'est fait. Donc voilà, bon, on se trouve quand même encore une fois avec du bon catch dans le main Mais en event. weekly, ouais. Voilà, et puis une intrigue qui se développe derrière de fort belle manière, puisqu'on a un Randy Orton au sommet de son art. C'est marrant de le voir chercher Nakamura. À la fin, Nakamura s'est sauvé comme un petit lâche. Moi, j'avais très peur qu'il fasse uniquement une rivalité entre Orton et Jeff Hardy d'un côté, et puis que Nakamura soit mis de côté, parce que des fois, ça arrive que la ceinture US, d'un seul coup, elle disparaisse, et puis on n'en parle plus jusqu'à un mois après. On se souvient par exemple de Dean Ambrose, hein, qui était resté un paquet de temps champion US sans jamais défendre son titre. Que devient-il, Dean Que Ambrose? devient-il, Dean Ambrose? Bah, il est blessé, hein, il reviendra. Effectivement. Caluf d'ailleurs se pose la question de savoir si toutes les interactions entre Nakamura et Renee Young, ce serait pas pour amener une rivalité avec Dean Ambrose, hein, parce qu'on sait que Dean Ambrose et Renee Young, ils sont ensemble. Ils Ah, s'en c'est une bonne cachent question. pas trop à l'antenne, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, Dean Ambrose, il était à Raw, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, bon, après, c'était il y a un ouais, paquet de temps, rien mais... ne les empêche de le faire venir. Ouais, non, ça ce serait sympa aussi, mais je pense qu'on va j'espère du moins qu'on va peut-être s'orienter vers un triple threat, une triple frite pour SummerSlam entre Nakamura, Jeff et Randy Orton. Ça permettrait de protéger Jeff Hardy qui a un peu du mal à faire des très très longs matchs. Même si Oui, on ce voit que serait une ce belle soir c'était affiche, oui. propre. Voilà, moi je suis content d'avoir un Randy Orton heel. Il est jamais aussi bon que quand il est heel. Hein. Il est pas terrible quand il est en face. Randy Orton, ça a toujours été un petit peu son problème. Jeff Hardy, c'est le babyface parfait hein, de toute façon. C'est normal qu'il arrive quasiment à battre Nakamura parce que c'est quand même une des plus grosses stars de la WWE, hein, théoriquement Jeff Hardy. Tout ça est cohérent, tout ça est bien exécuté. Moi, je suis très content de ce main event. Voilà, on repart sur de belles choses à la WWE avec ce type d'intrigue. Salut à Hank qui arrivait dans le chat. Oh, juste au dernier moment, Au Hank. dernier moment. C'est parfait. Voilà, tu vois, on s'en Ouais, sort. Hein. on se débrouille donc, oui. Moi, je trouve quand même que Nakamura, maintenant sur l'échelle hiérarchique de la WWE, il aurait dû être bien au-dessus de Jeff Hardy, qui quand même était au top niveau maintenant il y a 10 ans. Mais non, c'était une bonne surprise d'avoir un très bon match, très bien disputé. Et effectivement, moi, j'avais peur pour. Je pensais Jeff un peu cuit, mais il arrive encore à sortir des trucs. Il arrive à utiliser son corps au maximum de ce qu'il peut faire, disons. Et Randy Orton Hill, c'est toujours spectaculaire au début. Après, moi je trouve que Randy Orton, c'est pas tant une question d'alignement que de durée en fait. Qu'il soit heel ou face, au moment où il fait le turn, c'est toujours cool. Et après, au bout de quelques mois, ça redevient un peu chiant quoi. Après, je sais pas trop, est-ce que Après, Nakamura va. ce qui est bien avec Orton maintenant, c'est qu'il va disparaître, je pense, une fois que la rivalité sera terminée. Vu qu'il Ouais, a un c'est truc vrai. à dire. C'est pour ça qu'il fonctionne mieux qu'avant, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il est toujours un petit peu ennuyeux, Orton. Bah après, moi, de mes souvenirs les plus récents, je sais plus trop ce qu'il a fait ces derniers temps, Orton. Moi, je me souviens qu'il était là et il était chiant. Bah, il y a un an, quand il était plus ou moins copain justement avec Nakamura, il faisait des matchs tag team de face comme ça, Ouais, je sais sans plus quelle enjeu. rivalité il avait eu qui était pas trop mal, mais bah, il s'est farci quand même pendant un bon moment Jinder Mahal. Ouais, oui, on Et puis a je crois qu'après il a super. disparu quoi. C'était pas... Ouais. Mais bon, je sais pas, j'avais un bon souvenir de lui. Bon, en tout cas, il peut faire mieux, quoi. Là, il peut nous faire plaisir. Voilà, écoute, moi je suis plutôt satisfait, hein. Bah, très bien. Écoute, on en finit là-dessus, donc sur cette séquence d'écarteurs d'oreilles dans tous les sens du terme. Ce SmackDown s'est achevé sur une note assez violente. Est-ce que ça a suffi pour te convaincre? Écoute, Ringside, tu connais le principe, hein. Ça marche pareil pour le show bleu que pour le show rouge. Il nous faut un top, un flop et une note. C'est le mot de la fin. C'est ça. Ouais, et ben. Le flop, il n'y avait pas grand-chose qui était acheté. Ouais, je vais le donner à ce segment Hidden English Rousseff. Moi. Pour moi, c'est une mauvaise intrigue, ça. Ça va pas fonctionner. Voilà, donc je mets le flop là-dessus, tout simplement. On n'a pas envie de voir en plus une dissolution de ce clan-là. Et le top, je vais le donner à Randy Orton, qui revient et qui... Voilà, je ne donnerai pas souvent à Randy Orton, mais c'était très joliment exécuté ce retour en force. On aurait pu le donner à l'opener aussi, hein, qui était assez excellent. Mais je te le laisse, je pense que ça va être ton top. Et puis pour la note, je vais donner un bon 4, hein, un bon 4 des familles. Je m'étais engagé auprès de Giscal à mettre un 4. Donc ce sera un 4. Bah, très bien, très bien. C'est vrai que c'était un bon show. Du coup, au niveau des points faibles, moi, j'en ai pas trop non plus. Ça va être un truc plus global. Je vais mettre un petit flop à tous ces mecs qui sont quand même absents. C'est vrai qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup. Et Ah oui. surtout au fait qu'on ait aucune justification. Moi, je trouve que c'est pas très compliqué de. Mettons par exemple les Usos ou The Bar. Hein, on aurait très bien pu faire un bon gros beatdown des Blue Jones Brothers. Et puis, hop, ça légitimait. Oui, il y a aussi. Gallows et Anderson qui sont pas là. Parce que les Usos, ils ont été tabassés par les Blue Jones Brothers, sauf qu'ils sont revenus 2 semaines après pour un concours de danse avec Naomi. Et depuis, on les a pas vus. Donc, que des mecs partent en vacances, on le dit assez, hein, la WWE, c'est très fatigant, ça me choque pas. Mais qu'on fasse un petit truc, qu'on le prévoit et qu'on le scénarise, ça serait plus logique. Sanity aurait très bien pu défoncer The Bar ou les Usos. Et puis voilà. Exactement, ouais, ça c'est... Voilà, les mecs sont plus là et on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop si on doit les attendre, on sait pas trop à quel niveau ils vont revenir. Peut-être Peut-être d'ailleurs, tiens, on en parlait qu'il y a beaucoup de top heel, peut-être qu'on va vers un Sheamus ou un Cesaro babyface dans les mois à venir, hein. C'est Ouais, fort bah possible. ouais, peut-être une séparation de la team, un retour en solo de Cesaro. Moi, j'aimerais bien voir un AJ Styles Cesaro, par exemple. Mais Ah bah oui, tu m'étonnes, même un ou Sheamus un. AJ Styles, hein, ça peut être bien cool. Ah ouais, ou un Samoa Joe. Cesaro, bon, Hein. hein, là on va pas trop baver sur ses belles affiches, mais il y a matière. Du coup, non, moi mon top, je vais le donner ben, à Andrade Cien Almas et AJ Styles, quoi. Nous sortir un match qui aurait pu être un main event de pay-per-view là, et nous les en donner pile le bon dosage, c'est-à-dire pas trop, mais quand même pas mal pour qu'on ait envie. Non, là, très bien joué de la part de la WWE. Et du coup, ben, écoute, 4 aussi, hein, très bon show, Allez, 4, sans boum. problème. 4-4. Un 4, 4 de moyenne sur 5 cette semaine, unanimité de notre part. Exactement. Voilà pour ce SmackDown qui nous aura donné envie de voir la suite, puisque la semaine prochaine, hein, on va quand même avoir deux trois belles annonces et un beau match, enfin un beau match, un match prometteur entre Becky Lynch et Carmella. Donc n'hésitez pas à suivre. Je sais pas si ça sera nous aux commandes, mais en tout cas, on va On essayer verra d'être là. bien. Peut-être qu'on passe à la On verra nouvelle bien. formule dès la semaine prochaine où on C'est vrai. fusionnera les Les deux deux reviews. shows. Restez connectés et du coup, bah, si vous voulez nous suivre, hein, c'est le moment de la promo. Là, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, à nous donner vos avis, vos réactions. Est-ce que vous préféreriez voir revenir The Bar ou James Ellsworth? Dites-nous tout ça. Donc, likez, partagez, commentez. Sur Facebook et sur Twitter, eh ben, c'est toujours Ketchup CDC, si je ne m'abuse. Ouais, alors c'est pas moi qui t'aiderai là-dessus, c'est mon Et nous grand sommes handicap. aussi. Ah, mais nous sommes tous les deux pas très bons. Nous sommes aussi sur iTunes et sur PodCloud, si je ne m'abuse. Ouais, tout est dans la description en dessous, hein. Tout est dans la description. Donc vous pouvez nous voir si vous nous trouvez beaux. Vous pouvez juste nous écouter si vous préférez entendre nos voix suaves. Vous pouvez juste nous regarder si vous mettez YouTube et coupez le son. Ça a moins d'intérêt, mais vous faites ce que Ouais, vous voulez. il y a des gens bizarres qui font ça, hein. Vous pouvez très bien, pendant que vous mangez, hein, si vous voulez manger concentré, mais nous regarder. Bref, merci Ringside d'avoir été avec moi pour cet épisode. Ça fait plaisir de Je t'en commenter un prie. bon show en bonne compagnie. T'as un plaisir, toujours renouvelé. Voilà. Parfait. Et puis bah, merci à tous dans le chat, que ce soit nos copains Giscard ou Hank ou tous les autres. Alors du coup, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais j'ai entendu parler d'un Koala Écarlate C'est et ça, d'autres Richard, fans. Galuf, voilà, tout le Ouais, monde les était habitués. là. Le petit Des bons gros Dimitri. fans. Des bons gros copains, le petit Dimitri qui cherchait sa maman. Et N'hésitez pas à nous Terence qui appeler. Hein. nous donne l'autre adresse Twitter, Eh bah ouais. twitter.com/ketchupcdc. Ketchup CDC, on le disait. Et voilà. Donc écoute, on va finir là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ça va être l'heure soit de l'apéro, soit de passer à table. Peut-être que c'est le moment du petit rosé melon, hein, C'est ça, avec bon modération, appétit, bien bon sûr. apéro. Bon appétit, bon apéro à tous, et surtout, une très bonne semaine pleine de catch. Ciao! Ciao, ciao.